franceinter.com. C'était un exercice grandeur nature et une sorte de première pour les forces de l'OTAN. Le 30 août 1995, avant l'aube, 64 avions bombardiers décollent de plusieurs aérodromes européens. Direction le sud. En trois vagues successives, ils survolent le petit territoire de la République serbe de Bosnie et lâchent leurs bombes sur des objectifs précis, casernes, usines d'armement, sites de missiles, etc. Pour la première fois depuis que la guerre a enflammé les Balkans et atomisé la République fédérale de Yougoslavie, les instances internationales ont donc décidé de frapper et d'en finir par la force avec les exactions, les humiliations et les provocations. Six semaines plus tôt, des milliers d'hommes ont été massacrés à Srebrenica, une enclave musulmane en terre serbe, une tragédie que les casques bleus présents sur place ont été impuissants à empêcher et qui peut-être a été précédée par de douteuses tractations entre le commandement des Serbes bosniaques et l'état-major des forces de l'ONU, commandé alors par un général français. Fallait-il aussi effacer cette tâche ? En tout cas, ces frappes massives qui vont durer jusqu'au 14 septembre auront raison de l'intransigeance des chefs de la République serbe de Bosnie, le président Karadzic et le général Mladic. L'interminable siège de Sarajevo est levé et bientôt des négociations vont commencer entre les représentants de tous les belligérants ex-yougoslaves réunis à Dayton aux États-Unis. Mais dans l'ombre, une autre partie se joue. Ce 30 août 1995, un Mirage français a été abattu par un missile solaire tiré par les Serbes. La scène a été filmée. Le pilote, le capitaine Schifo et son navigateur, le lieutenant Souvigné, ont pu s'éjecter à temps de leur appareil. Mais que sont-ils devenus ? Leur sort va être l'objet de manœuvres obscures et confuses. La suite avec ce nouveau récit de Monsieur X. Tante Lanzo, tante Rocare, e di Alanzo, du calcuto moi. Hai aracassame, qua bolle putosco, te da tutto moi. E sei sasnafe. Carolona, c'era so carpo il tu mei, ti do tutto con lui, la giora posa, alla carassa tu banc, però te scelgo. La chora posa, a la carasa. Rendez-vous avec X. Un mot d'abord sur les conditions dans lesquelles le Mirage français a été abattu. Alors, selon certaines sources militaires, le site des missiles serbes, des engins modernes de fabrication russe, avait été préalablement repéré par l'aviation alliée au cours de vols de reconnaissance. Et les équipages des bombardiers états-uniens, des F-16, dûment prévenus, ne s'y sont pas frottés. Ou alors, ils ont usé de systèmes de contre-mesure. Alors là, vous laissez entendre que le Mirage français n'aurait pas bénéficié de cette information ? Ah, il semble. Ouais. Une faille dans la communication entre alliés ? Peut-être, mais certains sont allés plus loin. Ils ont carrément soupçonné les Américains d'avoir intentionnellement omis de prévenir les Français. Ah oui, mais alors pourquoi ? Paris a toujours manifesté une sympathie particulière pour les Serbes. Oui, le poids de l'histoire. Oui, ouais. Les Serbes ont été traditionnellement nos alliés au cours des deux grands conflits mondiaux. Et puis il existait des relations d'amitié entre les militaires des deux pays. Les Français ont toujours été plutôt serbophiles. Ouais. Donc en permettant qu'un missile serbe frappe un avion français, quoi, on aurait voulu distendre ces liens ? Et obliger la France à s'engager résolument contre les Serbes, oui. Mais attention, il ne s'agit que de soupçons. Et pour ma part, j'ai beaucoup de doutes. Ouais, non, parce que vous avez quand même évoqué cette hypothèse. Hein. Eh, oui, c'est plus fort que moi. Il faut toujours que je cherche la petite bête. En tout cas, ce qui m'incline à penser qu'il y a peut-être une toute petite part de vérité dans cette allégation, c'est que malgré l'unité apparente qui régnait dans les forces de l'OTAN, il a toujours existé une compétition entre les Français et les Anglo-Saxons. Étonné. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, les militaires français auraient très mal vécu le fait que nos pilotes aient pu être récupérés et libérés par des étrangers. Ouais, les Américains, en l'occurrence. Hein. D'où ouais. Le forcing pour obtenir nous-mêmes leur libération. Enfin, passons. Dans les jours qui suivent, on ne sait absolument pas ce que sont devenus les deux aviateurs français. On est même très inquiet. Ouais, on sait quand même qu'ils se sont éjectés. Hein. Certes, certes, mais c'est à peu près tout. Et on propage même les nouvelles les plus alarmantes. C'est-à-dire ? Bon, on prétend par exemple qu'ils ont été capturés, puis tués en représailles par des paysans serbes ou des soldats qui les auraient fusillés. Oui, à cause des bombardements. Oui, ouais. D'autres affirment qu'ils ont été grièvement blessés en atterrissant. Mmh. Mais j'imagine qu'il faut faire là la part de la propagande, de la désinformation. Ah, évidemment, ouais. Car tous ces bruits proviennent de Pale, la capitale de la petite république serbe de Bosnie. Cependant, en France même, notre service de renseignement extérieur, la DGSE, n'est pas loin de partager ses vues très pessimistes. Mais on doit essayer d'obtenir des informations plus précises. Et éventuellement de récupérer les deux hommes morts ou vivants, oui. Dans ce but, l'OTAN lance même une opération de recherche. Mais sur le territoire de la République de Pale ? Oui, oui, mais les commandos reviennent bredouille. Alors, on va envisager d'autres moyens. Le président Chirac téléphone ainsi à son homologue serbe. Milosevic, hein. Étant donné les liens très étroits qui existaient entre Belgrade et Pale, Chirac pense que par ce canal, il va obtenir des informations fiables sur le sort des deux aviateurs. Mmh. Attendez, avant d'aller plus loin, là, quelle est la vraie nature de ces liens-là ? La République serbe de Bosnie est-elle subordonnée aux grands frères de Belgrade ? Non, en tout cas pas entièrement. Il existe bien sûr une réelle connivence. Oui, Pale roule pour Belgrade. La plupart du temps, ouais, oui. Ouais. N'oubliez pas, c'est ce que je vous disais la semaine passée, qu'à Srebrenica, les soldats de Mladic ont reçu l'aide matérielle de l'armée serbe qui était positionnée près de l'enclave. Et puis, il ne faut pas oublier que le général Mladic est toujours un officier serbe qui est payé par Belgrade. Ouais, mais les deux capitales ne sont tout de même pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est vrai, c'est vrai. Et ça tient aux perspectives de négociations qui se dessinent au début de cet automne 1995. Milosevic, qui estime avoir obtenu à peu près ce qu'il voulait, est désireux d'en finir au plus vite et d'arrêter les hostilités. Mais d'autant que la pression internationale est forte. À Pale, au contraire, on est beaucoup plus belliciste. Et surtout, Karadžić et Mladic n'ont pas digéré le fait d'avoir dû lever le siège de Sarajevo sous la menace des canons et des avions de l'OTAN. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas exagérer ces éventuelles dissensions, ne serait-ce que parce que les Serbes de Pale demeurent étroitement dépendants de leurs frères de Belgrade, et d'abord pour équiper et ravitailler leur armée. Donc vous soupçonnez quoi, une sorte de double jeu ? Oui, ouais. Bien sûr. Alors, Je reviens à ce que vous disiez. Là, Chirac téléphone à Milosevic. Résultat ? Rien. Le président serbe affirme qu'il ignore tout du sort des deux pilotes. Toutefois, manœuvre d'intoxication ou réalité, les rumeurs continuent. Vivants, mais blessés aux jambes, les captifs auraient été tabassés, torturés physiquement et psychologiquement. Et pour échapper à d'éventuelles opérations de commando, car il y en aura encore deux autres, ils changeraient très souvent de cache. Ouais, tout ça n'est pas très rassurant. Ouais, d'autant que les frappes de l'OTAN continuent sur la République serbe de Bosnie. Le commandement allié entend en effet obliger Mladic à retirer ses troupes et ses canons à plus de 20 km de Sarajevo. Ouais. Dans ce contexte de guerre-là, que valent les vies de nos deux compatriotes ? On peut se le demander, c'est vrai. Pourtant, il faut reconnaître que la France redouble d'efforts pour les récupérer. À deux reprises, le général Janvier, chef des forces de l'ONU, entre en contact avec Mladic. Mladic qu'il connaît bien puisque... Avant le massacre de Srebrenica, il a déjà négocié avec lui. Oui, je vous le disais la semaine passée, c'est l'un des points les plus mystérieux de l'avant Srebrenica. Afin d'obtenir la vie sauve pour ses casques bleus, parmi lesquels de nombreux Français, pris en otage par les soldats de Mladic, le général français a-t-il fait des promesses au général serbe ? Et s'il les a fait, lesquelles ? C'est là le mystère. Et surtout, en tentant cette négociation, n'a-t-il pas, involontairement, fourni une carte maîtresse à son interlocuteur ? Une carte que le rusé Mladic pourrait bientôt sortir. Et qui pourrait être cette carte ? Par exemple, la preuve que dans cette affaire, la France a joué cavalier seul. Ah oui, sans en référer à l'ONU. C'est ça. Mais attention, nous sommes là dans le domaine des hypothèses. Et rien ne permet d'affirmer que cette négociation secrète a bien eu lieu. Mais si elle avait existé, elle permettrait peut-être d'éclairer la suite des événements. Oui, mais là, vous ne voulez pas vous engager. Parce que je n'en sais pas plus. Vous êtes bien modeste. Je vous en prie. Bon, alors reprenons. Le général Janvier établit donc le contact avec Mladic. Mais malgré les liens qui ont déjà été établis entre les deux hommes, il faut bien avouer que Janvier n'est pas le mieux placé pour demander la libération de nos deux aviateurs. Pour quelle raison, alors ? Parce qu'au moment même où il intervient en faveur de nos pilotes, il est partie prenante des décisions de l'OTAN de continuer à bombarder la République de Pâle. Ah oui, ça, une bombe dans une main et un rameau d'olivier dans l'autre. Ouais, c'est à peu près ça. Mais aussi, est-ce un autre militaire qui prend le relais ? Le général de Laprelle, inspecteur général des armées, auquel chacun s'accorde à attribuer des qualités de diplomate. Mais malgré ses efforts, ce général n'arrive pas à obtenir de nouvelles crédibles des pilotes. En fait, on devine que Mladic joue au chat et à la souris avec les émissaires français. Il laisse même entendre que les aviateurs pourraient être détenus par une faction rivale. Ouais, une pure invention. Bien sûr, puisqu'il règne d'une main de fer sur tout le territoire de la Petite République. Et le temps passe. Et on en arrive au 30 octobre. Donc 2 mois déjà depuis que le Mirage a été abattu. Et la situation se tend parce que la grande négociation de Dayton va bientôt commencer. Et il n'y a pas... Il faut le souligner, il n'y a pas de représentant de la République serbe de Bosnie là-bas. Et le duo des dirigeants de Pale, Karadzic et Mladic, ça, ils vivent ça très mal. Le sentiment d'être exclu. Et il est à craindre que les pilotes considérés comme des otages soient victimes de mesures de rétorsion. Malgré les différences d'appréciation épisodiques entre les dirigeants de la République de Pale et ceux de Belgrade, surtout à partir du moment où les négociations de paix de Dayton ont été engagées, il ne fait nul doute que Ratko Mladic a toujours été un obligé du président serbe Slobodan Milosevic. C'est ce que rappelle la journaliste Florence Hartmann, ancienne porte-parole de la procureure du Tribunal pénal international. Extrait de son ouvrage « Paix ». Et châtiment. Mladic n'a jamais cessé d'être un officier d'active de l'armée de Belgrade, même au plus fort de l'épuration ethnique. Pendant la guerre, alors qu'il dirigeait l'armée des Serbes de Bosnie et semblait relever de l'autorité du président autoproclamé des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, Mladic est restée sous la tutelle de Belgrade. Chacune de ses promotions, comme celle du 16 juin 1994, qui lui procurait une troisième étoile de général, a fait l'objet d'un décret signé de la main du président de l'État fédéré de Serbie-Monténégro. Mladić a continué à appartenir à l'armée de Belgrade, simplement détachée auprès des Serbes de Bosnie, comme la quasi-totalité des cadres de son armée qui semait la mort en Bosnie. 7 ans plus tard, le 16 juin 2001, c'est à nouveau le président de l'État fédéral, à présent Vojislav Koštunica, qui signe le décret autorisant sa mise à la retraite et le retrait de son dossier des registres officiels de l'armée de Belgrade. Une question avant de poursuivre là. Étant donné les liens existants entre Milosevic et Mladić, n'était-il pas imaginable de penser que le président serbe, s'il l'avait vraiment voulu, aurait pu obtenir la libération des pilotes ? Vous avez raison. Milosevic avait certainement les moyens de faire céder Mladić, officier de son armée. Donc il ne l'a pas voulu. Et malheureusement, c'était, si je puis dire, de bonne guerre. Car dans la négociation de Dayton, qui s'est ouverte au tout début du mois de décembre, il pouvait ainsi mettre en avant l'intransigeance des Serbes de Bosnie pour refuser telle ou telle proposition avancée par le Croate Tuđman ou le Bosniaque musulman Izetbegović. Donc d'une certaine façon, il avait besoin lui aussi de Karadzic et Mladić. C'est ce que je pense. Et dans cette mesure, il n'était sans doute pas inutile de faire traîner cette affaire des pilotes français. Alors avant de revenir sur la mésaventure de ces pilotes, là, un mot peut-être sur cette négociation de Dayton. Dont l'accord sera ensuite ratifié à Paris. Curieuse négociation. Et d'abord en raison des conditions même dans lesquelles elle a été conduite. Les trois leaders serbes, croates et bosniaques, ont été littéralement enfermés ensemble par les promoteurs de la négociation, c'est-à-dire les Américains, les Russes et les Européens. Et ils ne se sont quittés qu'à l'issue de l'accord qui est intervenu entre eux. Ouais, l'enfermement ou l'accord. En caricaturant, c'est ça, oui. Deuxième observation, très paradoxale, c'est le principal fauteur de guerre qui a gagné. Donc Milosevic. Exactement. Car même si les deux autres n'étaient pas des agneaux innocents, il faut quand même reconnaître que c'est le président serbe qui a mis le feu dans les Balkans. Alors oui, Milosevic a gagné à Dayton une image de faiseur de paix à cause de ses positions apparemment très conciliatrices. C'est pourtant le même homme qui sera plus tard traduit devant le tribunal pénal international. En 2001, oui. Mais entre-temps, il y aurait eu les horreurs du Kosovo. Milosevic, alors on reprend, hein. Milosevic est donc le vainqueur de Dayton. Hein. Et pas seulement pour cette question d'image. En réalité, il a obtenu ce qu'il voulait et qui, notez-le bien, correspondait au plan de partage élaboré par les Occidentaux avant même Srebrenica. Ouais. Et qui prévoyait l'intégration de cette enclave de Srebrenica dans l'ensemble serbe. Exactement, comme si le massacre n'avait pas existé. Alors, retour en arrière. Revenons maintenant à l'affaire des pilotes. Fin octobre, je vous l'ai dit, on est toujours dans l'incertitude. Et Paris a déjà été confronté à 2 échecs. Les opérations de sauvetage n'ont pu être menées à bien. Et les contacts diplomatiques ou officiels n'ont rien donné. Ouais. Les autorités françaises ont donc envisagé, enfin c'est ce que je crois, hein, des méthodes moins orthodoxes. Ils y sont obligés. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le service qui est activé à cette occasion est la DST. Ouais, c'est-à-dire notre service de contre-espionnage. Alors que dans une situation pareille, on aurait pu imaginer qu'il s'agissait d'une tâche normalement dévolue au renseignement extérieur. Oui, la DGS, mais ça vous paraît bizarre. Hein. Assez, oui. Il faut savoir que la DST a longtemps eu les faveurs de Charles Pasqua, qui, outre ses fonctions de ministre de l'Intérieur, ne dédaignait pas de s'occuper de diplomatie secrète et d'affaires qui ne l'étaient pas moins. D'accord, mais en octobre-novembre 1995, Pasqua, qui a choisi Balladur à l'élection présidentielle contre Chirac, n'est plus ministre. Eh oui, c'est vrai. Mais il a gardé de nombreux contacts. Et puis il y a le passé. L'affaire de nos otages au Liban, son homme lige, Jean-Charles Marchiani, nommé préfet en 1993, y a joué le rôle que l'on sait. Oui, mais un rôle contesté. Hein. Oui, je sais que certains ont prétendu qu'il s'était trouvé à la bonne heure et au bon endroit pour tirer le marron du feu. Oui, et endosser un succès que d'autres avaient préparé. Et puis, il y avait sans doute une mystérieuse rançon qui n'a sans doute pas disparu pour tout le monde. Hein. Et qui n'ayant pas été versée aux ravisseurs et peut-être à l'origine de l'attentat contre le DC-10 du TA au-dessus du Sahara. C'est tout cela, mais il n'empêche que Martiani est réputé pour avoir de bons contacts dans les services secrets et d'être aussi un spécialiste des missions difficiles. Allez, alors, on pense à lui. Et je pense que c'est Pasqua. Bien qu'étant un peu en froid avec son ami Chirac pour cause de baladurisme, qui a suggéré au président de la République de faire appel à Marciani. En accord avec la DST. Oui, car Pasqua, bien qu'il ne soit plus ministre de l'Intérieur, a gardé de très bonnes relations avec ce service. Mais parallèlement, la DST avance un autre pion, son numéro 2, Raymond Nart. Il a une idée, utiliser l'entregen d'une des gloires de l'armée française, le général Pierre-Marie Gallois. Ah, c'est le père de la dissuasion française, hein, comme on l'a toujours présenté. Oui, c'est lui qui a théorisé la doctrine nucléaire française et travaillé à l'édification de notre force de frappe. Alors pourquoi Gallois? Le vieux général a alors plus de 80 ans, connaît Mladic. En outre, comme beaucoup d'officiers supérieurs français, il a la réputation d'être pro-serbe. Il a même écrit, 3 ans plus tôt, assez imprudemment, une lettre de soutien au président Karadžić, qu'il considérait comme un ardent patriote serbe. Ouais, mais c'était ça avant Srebrenica. Hein, en effet, autant le dire tout de suite, Gallois, qui n'est pas en très bonne santé, n'est pas chaud pour entreprendre un voyage dans les Balkans. Oui, surtout que l'hiver s'annonce. Hein. Et qu'en raison de l'état de guerre, le voyage jusqu'en République serbe de Bosnie sera sans doute difficile. Alors Nart fait très habilement appel à son devoir de solidarité. Le général est un ancien aviateur. Ah oui, il s'agit d'aller sauver les pilotes. Oui, donc Pierre-Marie Gallois finit par accepter de remplir cette mission. Et il part. Bon, je vous passe les détails d'un voyage qui a certainement été très éprouvant pour lui. Après une halte à Belgrade, où il a pu rencontrer le grand écrivain serbe Drobica Kozic, ancien président de la République, écarté par Milosevic, il se rend en voiture à Pale, où il est conduit directement auprès de Karadžić. Celui-ci fustige d'abord les responsables de l'OTAN, coupables d'avoir cruellement bombardé son pays. Puis, abordant la question des pilotes, il lui tient un discours très étrange. C'est-à-dire ? Le président de la République de Pale prétend que les deux aviateurs hébergés dans un hôpital à cause de la blessure à la jambe de l'un d'entre eux ont été enlevés par des inconnus masqués. Et depuis, il ne sait pas où ils se trouvent. C'est bizarre, ça. Réaction de Gallois ? Il est naturellement dubitatif, car il n'ignore pas que Karadžić contrôle étroitement son territoire. Oui, et cette histoire alors d'inconnus masqués n'est guère crédible. Aussi, Karadžić, qui a très bien compris que son interlocuteur n'était pas vraiment convaincu, esquisse une explication. C'était peut-être des paysans furieux d'avoir été bombardés par les avions de l'OTAN. Et poursuivant, Karadžić montre, si j'ose dire, le bout de son nez. Il laisse entendre que si la France faisait un geste, ces ravisseurs se révéleraient être ce qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire des patriotes se battant pour défendre leur pays. Karadžić, c'est donc parfaitement ce qu'il en est, hein, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et ce geste de la France, alors, quel pourrait-il être ? Il n'en dit pas plus. Mais Mladic, que Gallois va rencontrer peu après, lui donnera le fin mot de l'histoire. Mladic, qui lui impose d'abord une visite des destructions opérées par les bombardements de la force d'action rapide de l'OTAN, et qui va ensuite lui indiquer la marche à suivre si Paris veut récupérer ses pilotes. Ouais, c'est le geste évoqué par Karadžić, là. Oui, une visite en bonne et due forme d'un haut responsable militaire français à qui seront remis les aviateurs prisonniers. Avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Le général Gallois a publié en 2001 aux éditions de l'Âge d'Homme un mémoire où il a raconté son voyage dans l'ex-Yougoslavie. J'en extrais les dernières lignes. Gallois se trouve alors en face de Ratko Mladic. C'est ce dernier qui parle. Certes, il faut que ces deux hommes vous soient rendus mort ou vivant. Je m'y engage. Mais ils font un geste de votre part. C'est-à-dire, si par exemple, le chef d'état-major des armées françaises voulait me rencontrer, j'irais le quérir à Belgrade, voire à Moscou. Il l'inviterait à venir à Palleux. Je lui présenterais mes troupes. Les honneurs militaires lui seraient rendus. Sa visite effacerait nos souffrances, le lourd contentieux franco-serbe. Et alors, je retrouverais ces deux hommes, ces combattants. Encore une fois, morts ou vifs, je les rendrais à leur patrie. « Mon général, lui dis-je, vous n'allez pas déplacer un grand chef militaire français pour lui présenter deux cercueils. » Pour la première fois au cours de cet entretien particulièrement tendu, le général Mladitch eut un large sourire. « Non, Pierre, me dit-il, ils sont bien vivants. » C'était le vendredi 17 novembre vers 11h30. Ma mission était terminée. Le général Gallois rentre donc à Paris. Et il rend tout de suite compte. Mais à qui alors? À Raymond Nart, numéro 2 de la DST, à l'origine de sa mission. Mais quand Gallois demande à prévenir lui-même les familles des deux pilotes, il reçoit une réponse négative, ce qui évidemment le froisse. Bah oui, ça se comprend, hein, parce que c'est lui qui est allé là-bas. Mais enfin, l'essentiel, c'est quand même qu'il a appris que les pilotes étaient vivants, et puis il a aussi, sait maintenant aussi ce que veulent Mladic et Karadzic. En échange de leur libération. C'est tout à fait juste. En tout cas, Gallois estime, non sans raison, qu'il a rempli sa mission avec succès. Pourtant, l'affaire ne va cesser de s'embrouiller dans les jours ou les semaines qui suivent. Alors pourquoi? Bah d'abord, mais ce n'est qu'une hypothèse, je crois qu'au plus haut sommet de l'État, on se méfie de Mladic. Avec lequel, si je vous ai bien entendu, on s'est peut-être déjà compromis avant le massacre de Srebrenica. Hein. Et si c'est vrai, compromis en vain. Puisqu'ensuite, ces soldats ont commis l'un des pires crimes de guerre des dernières décennies. Alors on n'a peut-être pas très envie d'être obligé de s'humilier à nouveau devant cet homme poursuivi par le tribunal pénal international. En outre, il y a l'autre mission, celle confiée à Marchiani. S'il y avait une chance qu'elle réussisse, on pourrait éviter de passer sous les fourches caudines de Mladic. Ah oui, alors par conséquent, on oublie Gallois. Et le vieux général aura à juste titre le sentiment d'avoir été purement et simplement manipulé. Et même plus, il aura l'impression de n'avoir servi à rien. Car le dénouement qui interviendra début décembre sera exactement semblable à celui que Mladic a évoqué devant lui. Ouais. On aurait donc pu faire l'économie de quelques semaines. Hein. Et même celle de l'intervention de Marchiani. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Alors, ben si, quand même. Justement, Marchiani, là, comment procède-t-il? L'ami de Pasqua met d'abord en avant ses contacts en Russie. Avec qui hein? Des hommes, des services secrets, des anciens du KGB, forcément. Ouais. Marchiani, lui-même, a été autrefois membre des services français. Hein. Ah oui, il en est. Il a été viré. Enfin, peu importe. Marchiani compte en particulier sur un ex-colonel du KGB, un certain Kulitch. Pourquoi passer par un russe? Traditionnellement, les Russes ont été des alliés des Serbes, même si depuis les guerres des Balkans, ces liens se sont un peu refroidis. Ouais, solidarité slave. Et culturelle. Russes et Serbes sont généralement orthodoxes. Mais Marchiani sollicite aussi l'intervention de l'un de ses vieux amis, un certain Arkady Gaidamak. Ouais, le milliardaire russe, là. Un homme précédé par une réputation plutôt sulfureuse. Il aurait été, mais notez bien que j'emploie à dessein le conditionnel, membre des services russes, mais également informateur de notre DST. Enfin, Gaidamak a été soupçonné par la police d'avoir été lié à la mafia russe. J'ajoute, pour compléter un tableau déjà assez embrouillé, que nos services secrets DST, DGSE, et même renseignements généraux ont des appréciations complètement divergentes sur le personnage. Je vais m'expliquer. Hein. D'un côté, à la DST, on considère que c'est un homme qui a rendu d'éminents services à notre pays et s'est parfois conduit en mécène. Et de l'autre, DGSE et RG, on présente Gaidamak comme un mafieux associé à de nombreuses opérations frauduleuses. Ça fait en tout cas beaucoup pour un seul homme. Hein. Mais justement, on ne prête qu'aux riches, alors. Sa fortune. Ah, elle est réelle. Gaidamak, comme un certain nombre d'autres jeunes Russes entreprenants, souvent issus de la jeunesse communiste, a profité des privatisations et du passage à l'économie de marché. J'ajoute que le milliardaire possède plusieurs passeports. Citoyen français et russe, il a aussi la nationalité israélienne, angolaise et canadienne. Eh bien, Et il brasse donc des affaires internationales. Ça, on va en reparler, car c'est l'un des aspects les plus curieux de ce dossier. Guédamac a vendu aussi des armes, beaucoup d'armes. Mais dans une affaire comme celle des pilotes français, là, à quoi peut servir un Guédamac? Il y a d'abord sa proximité avec les services secrets russes. Il est en particulier lié avec le général Zorin, chef du contre-espionnage du FSB, l'un des organismes qui a succédé au KGB à la chute de l'URSS. Ensuite, il y a sa fortune. S'il le faut, Guédamac peut disposer immédiatement d'importantes sommes d'argent. Et ça, ça peut-être être utile. Oui, au cas où il faudrait graisser quelques pattes. Ou même payer une rançon. Mmh. Et Guédamac ferait ça, quoi, gratuitement, pour la beauté du geste? Attendez, il y a bien des façons de se faire rembourser. Et pas toujours en argent. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais alors, que font Marcani, là, et son ami Guédamac? Grâce à leur contact russe, ils ont accès à un homme qui compte en Serbie, le chef des services secrets, Jovica Stanisic. Celui-ci leur affirme que les pilotes sont vivants. Est-ce que le général Gallois a déjà appris de la bouche même de Mladic? C'est vrai, mais Stanisic sait même où les deux aviateurs sont retenus prisonniers. Ça, c'est plus intéressant. Une parenthèse ici. On apprendra beaucoup plus tard que Stanisic, chef des services secrets de Milosevic, était aussi un agent de la CIA et qu'il aurait envisagé de tout faire pour remettre prioritairement nos pilotes aux autorités américaines. J'imagine la tête des dirigeants français si ça avait été le cas. En effet. Bon, refermons cette petite parenthèse. Ce que cherchent Marciani et Guédamac, c'est bien sûr obtenir un contact direct avec Mladic, qui est à l'évidence le vrai chef d'orchestre de l'affaire. Comme l'a déjà découvert Gallois. Encore une fois, vous avez raison. Alors, vont-ils réussir? J'ajoute, avant de vous répondre, que beaucoup d'autres personnages plus ou moins douteux ont été également actionnés par les deux compères. Et à cette occasion, il n'est pas impossible que Guédamac ait ouvert sa bourse. Alors, je vous réponds, Marciani, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré plus tard, a réussi à approcher Karadzic. Mais pas Mladic. Non. Mais toujours selon Marciani, le président de la petite République de Palais a appelé Mladic devant lui. Ouais. Et résultat alors? C'est toujours la version Marciani, n'est-ce pas? Eh bien, ensemble, ils auraient mis au point les modalités pratiques de la remise des deux prisonniers à un émissaire arrivé directement de Paris sur décision du président Chirac. Et qui alors? Le général Jean-Philippe Douin, chef d'état-major des armées françaises. Ouais. Il n'y a pas plus haut dans la hiérarchie militaire, à part le président de la République. C'est exact. Alors, pardonnez-moi de me répéter, mais la présence de ce haut gradé-là, c'est bien ce qu'a réclamé Mladic lorsqu'il a reçu le général Gallois. Je vous l'accorde. Ouais. Alors, on peut légitimement se demander si les démarches de Marciani et de son ami Guédamac ont servi à quelque chose. Je ne peux qu'abonder dans votre sens. J'ajoute quand même que le dénouement doit sans doute aussi beaucoup à Chirac lui-même, qui au début décembre, excédé par la lenteur de ses tractations, a fini par passer un coup de fil de téléphone furibard à Milosevic et lui a lancé un véritable ultimatum. Ouais, Milosevic qui était alors en pleine négociation de Dayton. Et qui n'avait sans doute pas envie de perdre le bénéfice des avantages qu'il avait déjà engrangé à cause de ces deux pilotes français. Donc, si je suis bien, Milosevic a ensuite certainement téléphoné directement à Mladic. C'est très possible. Et il a fait pression sur lui. Alors, j'en viens à ce dénouement le 12 décembre, devant un hôtel situé sur le territoire de la République serbe de Bosnie, et non pas à la frontière, comme l'avait demandé le général Douin. Celui-ci s'est vu remettre officiellement les deux aviateurs français. Mais surtout, il a dû, devant les photographes, serrer la main du général Mladic. La main d'un homme considéré comme un criminel de guerre. Et ne fait nul doute que l'officier français a dû ressentir cela comme une humiliation. Et c'était peut-être la deuxième fois qu'un général français était humilié par Mladic. Alors maintenant, vous comprenez sans doute mieux pourquoi Mladic échappe toujours à la justice internationale et que la France, pour sa part, ne fait pas grand effort pour le traquer. Peut-être pas envie qu'il raconte ses petits secrets? C'est ce que je pense. Enfin, pardonnez-moi, je n'ai pas encore tout à fait fini. À juste titre et à plusieurs reprises, vous avez fait la remarque qu'après la mission du général Gallois, la messe était dite et qu'on savait exactement ce que voulait Mladic contre la libération de nos pilotes. Et je vous avais même dit que la deuxième mission, celle de Marciani, ne me paraissait pas forcément utile. Alors j'ai comparé quelques dates et j'ai trouvé d'étranges coïncidences. Mais quoi? Ici, je veux parler de l'affaire de l'Angola Gate, cette importante livraison d'armes en provenance des pays de l'Est à destination du régime de Luanda. Eh bien, La première livraison a été effectuée le 6 décembre 1995. C'est-à-dire juste avant la libération des deux pilotes. Et or, qui a été compromis dans cette affaire? Et qui a été traduit devant les tribunaux? Certains des protagonistes de cette mission, Marciani. A commencer par Marciani lui-même. Hein. Mais Gadamak aussi a été condamné en première instance. Et également Charles Pasqua, qui a obtenu ensuite une décoration pour ce dernier. Alors, je me demande, mais j'ai certainement un mauvais esprit, si en agissant ainsi, ces hommes n'ont pas voulu s'abriter derrière une sorte de rideau de fumée, ou plutôt se procurer une sorte d'assurance, au cas où. Pour bonne conduite dans l'affaire des pilotes. Bon, avouez que c'est troublant, non? Enfin, je n'en dirai pas plus. Quoi qu'il en soit, et peut-être pour les raisons que vient de donner M. X, Ratko Mladic court toujours. Extrait d'un article de l'Express paru en novembre dernier. Il aurait au moins jusqu'en 2002 bénéficié de la protection de 50 hommes et a longtemps vécu tranquille à Belgrade, allant au match de foot, percevant sa retraite de l'armée. En octobre 2002, alors que Carla Del Ponte, ancienne procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, parle de lui à Belgrade, il dîne à 500 mètres de là. Quand, au début de 2006, elle parvient à reconstituer ses allées et venues en Serbie, elle découvre avec stupeur qu'elle a été bernée par tout le monde, serbes et occidentaux, a témoigné son ex-porte-parole Florence Hartmann. En mars 2006, le premier ministre serbe, Kosnudica, confesse à Del Ponte que Mladic est en Serbie. S'il court toujours aujourd'hui, c'est peut-être parce que, gradé de l'armée serbe, il est plus compromettant que Radovan Karadzic, l'ancien leader politique des Serbes de Bosnie. Quelques livres enfin pour éclairer cette affaire obscure. « Nos chers criminels de guerre » de Jacques Massé, « Les carnets intimes de la DST » d'Éric Merlin et Frédéric Ploquin, « Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale » de Florence Hartmann, « DST, police secrète » de Roger Fanigaud et Pascal Krop, « Marciani, l'agent politique » d'Éric Lemasson, « Porté et disparu, 104 jours aux mains des Serbes » de Jean-Louis Chiffaut, le père de l'un des pilotes. Et enfin un livre tout récent signé par Arkady Gaidamak, « Le revers de la médaille », autant d'ouvrages dont vous trouverez les références comme d'habitude sur franceinter.com. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Michel Billou et Stéphane Combe l'ont réalisée et Monsieur Djoub, comme d'habitude, y a ajouté quelques petites notes de musique. Tout de suite après le flash, un peu de campagne, enfin, c'est Au-deux mon amour de Denis Chessou.